chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Bonjour le football de Saint-Jean-d'Arc qui se démarque de plus en plus. Philippe Lavoie, on entend parler de plus en plus de Philippe Lavoie. Il va faire partie de l'équipe du Cégep Limoilou dans la région de Québec à l'automne prochain. Quoi qu'il en soit, Philippe Lavoie s'est taillé une place avec l'équipe du Québec qui va jouer à la Coupe Canada qui va débuter samedi à Winnipeg. Et un qui le connaît bien puisqu'il a, j'imagine, qu'il a fait partie du processus de décision lorsqu'il fut le temps de confirmer Philippe Lavoie à l'intérieur de l'équipe de Team Québec, c'est de TVA Sport, Charles-Antoine Sinot. Salut Charles-Antoine. Ça va bien. Hey Charles-Antoine, est-ce que ça a été facile pour l'équipe de Team Québec de confirmer Philippe Lavoie comme joueur de l'équipe de Team Québec? En général, c'est jamais facile de prendre les décisions finales. C'est sûr que Philippe est excellent. Il amène une très bonne attitude, un jeune joueur intelligent qui va nous aider. Et tout ça pour dire qu'en ayant seulement sélectionné 40 joueurs, parce que c'est la règle du tournoi, c'est quand même un alignement assez restreint, mais il faut prendre des décisions difficiles. C'est les 40 meilleurs joueurs de football de moins de 18 ans au Québec. Puis il faut se le dire, le Québec est année après année la meilleure province au Canada, c'est-à-dire qu'on a remporté les championnats canadiens 4 des 5 dernières années. Tout ça pour dire que on a souvent des joueurs très, très compétitifs. Et là, ces joueurs-là doivent passer au travers de 3 étapes de sélection. Philippe Lavoie a définitivement mérité sa place. On est content de l'avoir avec nous, justement parce qu'il va avoir du temps de jeu. En ayant, comme je dis, un alignement de 40 joueurs seulement, bien, les joueurs doivent être impliqués sur leurs unités respectives en attaque ou en défense, mais également sur les unités spéciales. Donc, tout ça pour dire que c'est un processus qui est très rigoureux, mais qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, on a les 40 meilleurs joueurs de football. OK, moi, je me suis fait dire, parce qu'on est un petit milieu ici, je me suis fait dire que Philippe Lavoie est probablement le joueur qui peut imiter Shane Gauthier en étant le deuxième joueur qui peut atteindre la Ligue canadienne. Il a le potentiel, évidemment. On dit qu'à l'école, il est très, très bon également. La force de Philippe Lavoie, c'est à quel niveau? Ben, je pense que c'est un bon gabarit au poste de secondaire, fait en sorte que non seulement il peut jouer du football physique, mais aussi il a une belle mobilité. Donc, dans un football à 3 essais, parce que pour plusieurs de ces jeunes-là, ça va être la première fois qu'ils vont jouer du football à 3 essais lors du tournoi. C'est sûr et certain que l'aspect aérien est crucial, évidemment, pour l'attaque, mais également pour les positions hybrides, c'est-à-dire les positions comme secondaire qui doivent être amenées à contribuer dans le jeu au sol, mais également en couverture de zone, couverture homme à homme. Donc, ça pour dire qu'avec son gabarit et sa mobilité, son intelligence, bien, il peut contribuer dans ces deux facettes-là du jeu défensif. Et comme je le disais aussi, les unités spéciales sont cruciales. Donc, tous ces attraits physiques vont être vraiment appréciés sur ces unités spéciales. Est-ce que, ben là, tu me l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais il va jouer de façon régulière avec un alignement de 40. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il va jouer beaucoup à Coupe Canada? Ben, c'est sûr et certain que les décisions finales ne seront pas prises avant la veille du premier match. Comme on disait tantôt, il y a énormément de talent. Donc, tout ça pour dire que la compétition pourrait être partant et féroce. Philippe, évidemment, est dans l'équation. Je peux pas vous dire exactement qui va être sur le terrain lors du botté d'envoi du premier match qui va avoir lieu contre l'équipe du Manitoba. Une chose certaine, il va être considéré là-dedans. Et de toute façon, on a des entraîneurs extrêmement qualifiés. Ce sont tous des entraîneurs qui travaillent à temps plein dans les rangs universitaires. Donc, leur démarche d'évaluation est rigoureuse. Puis la veille du match, on va savoir à quel point il va être impliqué en défense, mais chose certaine, il va contribuer aussi sur les unités. Est-ce qu'il y a un pourcentage, vous avez fait parce que ça fait quand même plusieurs années que ça existe, la Coupe Canada, là. Est-ce qu'il y a un pourcentage que vous avez fait pour de joueurs qui participent à cette Coupe Canada-là, qui ont atteint la Ligue canadienne? Ben, pour être honnête, j'ai pas le chiffre exact, mais évidemment, il y a toujours des exceptions, mais la majorité des joueurs qui sont dans l'élite, en bas âge, c'est-à-dire à 16, 17, 18 ans, demeure l'élite dans les années suivantes. Donc, je te dirais que si on regarde les alignements universitaires aujourd'hui, qui est évidemment le bassin pour la Ligue canadienne de football, probablement 75% des joueurs qui ont participé à l'équipe du Québec font maintenant partie des équipes universitaires et sont souvent des joueurs d'impact, donc ils sont amenés à attirer le regard des recruteurs la LPF et même la NFL. On peut penser à Jordan Tardif qui a fait partie de l'équipe du Québec, David Foucault. Maintenant, il y a Eli Bouka, un demi-défensif qui jouait receveur et carrière à l'époque, qui est en train de se tailler une place avec les Cards de l'Arizona. Tout ça pour dire que j'ai pas le chiffre exact, mais c'est sûr et certain que c'est une majorité qui sont promus à des beaux avenirs là, okay. dans le football. Ça, cette Coupe Canada-là a été créée dans quel but? Ben, c'est sûr et certain que le football est une discipline assez unique. Ouais. C'est difficile de rentrer dans le processus de par exemple des Jeux du Canada. Okay. Donc, en marge de ça, c'était quand même intéressant de pouvoir opposer toutes les provinces canadiennes. Il y a évidemment une grosse poussée du football dans les 10 dernières années. Au tout début, le Québec ne faisait pas partie de cette compétition-là, mais justement, depuis une dizaine d'années, le Québec en fait partie. À partir de l'année prochaine, il y aura la Colombie-Britannique aussi qui était exclue du processus dans les dernières années. Tout ça pour dire que sans la Colombie-Britannique, il y avait 8 équipes qui compétitionnaient là, à chaque année. Les puissances sont évidemment le Québec, mais également l'Ontario, l'Alberta qui se distingue souvent, et la Saskatchewan également. C'est un petit peu plus faible du côté des Maritimes, mais ce sont des plus petites provinces qui sont vraiment en développement. Okay. Dis-moi, est-ce que l'équipe québécoise a des bonnes chances de ramener des grands honneurs, l'équipe que Philippe fait partie? Est-ce que tu sais? Oui, c'est sûr et certain. Comme je vous disais tantôt, on est les champions en titre. Le seul objectif, c'est de répéter l'exploit. Ça fait près de 5 ans que je suis aussi impliqué justement avec cette équipe du Québec-là et on a de loin les deux meilleures carrières que j'ai vues à l'œuvre dans les dernières années. Je vous disais tantôt que c'est un football à 3 essais qui est joué, donc le jeu aérien est très important. On a d'excellents receveurs et beaucoup de joueurs qui retournent, donc qui ont fait partie de l'édition 2015 de l'équipe. Donc on a des vétérans qui ont vu ce que ça prenait pour vaincre lors de la finale. Défensivement également, une unité vraiment complète, beaucoup de profondeur du côté des secondaires, du côté de la ligne défensive. Tout ça pour dire qu'il y a très peu de faiblesses dans l'équipe du Québec et qu'on part favori là, pour remporter les Olympiques. Okay. Est-ce que, c'est ma dernière question, Jean-Antoine, est-ce que on dit qu'avec le phénomène des commotions cérébrales, le football est en perte de vitesse en fin d'inscription, on dit que c'est flag football qui commence à prendre de l'ampleur, est-ce que c'est la même chose un peu partout dans les autres provinces aussi? Ben, c'est sûr et certain que le Québec a été frappé très fort. Pourquoi? Parce que il n'y avait aucune autre province où le football était aussi populaire. Ouais. Donc, comme dans n'importe quoi, quand t'es dans le spotlight, là, désolé l'anglicisme, et quand t'es dans les feux de la rampe, puis justement, les gens sont au courant du sport pour des bonnes raisons, ben, c'est sûr et certain que quand il y a des mauvaises nouvelles, ça frappe plus fort. Maintenant, faut dire justement qu'il faut pas non plus laisser de côté tous les éléments positifs qui sont liés au football. Les jeunes, justement, sont en train de vivre une expérience tellement formatrice, c'est-à-dire qu'ils côtoient les meilleurs de leur profession, ils sont entraînés par des entraîneurs universitaires, ils vont voyager, ils vont compétitionner contre les différentes provinces. Tout ça pour dire qu'il faut voir aussi l'élément positif là-dedans. Je pense que c'est important d'être au courant des risques, mais comme dans n'importe quoi et comme dans plein d'autres disciplines, les risques sont présents. Maintenant, il faut regarder aussi les bienfaits. Puis je le vois à l'œuvre à chaque jour, ces jeunes-là sont en train de former leur avenir social, leur avenir sportif. Puis je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va laisser des traces positives pour le reste des choses. Maintenant, justement, il y a des provinces qui sont un petit peu plus en développement, qui voient moins un peu les contre-coups des commotions. Mais c'est sûr et certain qu'au niveau national, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives là, justement pour sécuriser le sport. C'est-à-dire que pour la Coupe Canada, tous les entraîneurs ont dû être formés, ont dû être sensibilisés aux différents éléments liés dans les commotions cérébrales. On a enseigné des techniques de plaqué sécuritaire. L'encadrement est fait de façon à ce qu'il y a très peu de contact à l'entraînement. Donc, on est un peu les précurseurs au Canada là-dedans, parce que justement, ça nous a frappé un petit peu plus fort que les autres. Ben, Jean-Antoine Tinard de TVA Sport, on va suivre ça de près. On va suivre Philippe Lavoie, puis on va se reparler dans un autre contexte. Toujours un plaisir. Jean-Antoine Tinard de TVA Sport.